Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? En 1964, France Gall, Guy Hirette avec ses couettes, nous donnait la réponse. En chanson, c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref lui donnait beaucoup d'ennuis et elle précisait qu'il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh Charlemagne, sacré Charlemagne. Charlemagne n'a sans doute pas inventé l'école et si sa barbe était fleurie, c'est sans doute qu'elle était blanche. Mais est-il le premier à avoir une conscience environnementale ? Ben sans doute pas non plus. Pourtant, durant son règne, au 9e siècle, il a accordé une grande place à la nature quand les catastrophes provoquaient la famine et faisaient craindre la disparition d'une civilisation. Tiens, une question qui nous interpelle aujourd'hui. France Gall aurait donc pu chanter « Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'écologie ?» Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse aux relations étroites que l'être humain entretient avec la nature, et ça sur le temps long de Charlemagne aux sociétés industrielles. Et nous allons partir dans le monde entier, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos anciennes colonies. Et aujourd'hui, c'est avec le roi ou l'empereur que nous allons passer une heure. Quel regard le pouvoir porte sur l'environnement de Charlemagne à Louis XIV. Avec vous, Jean-Pierre Devroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, professeur invité au Collège de France cette année, bravo. Vous publiez « La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne ». 740-820, pour préciser les dates, c'est sur un temps assez long. En fait, c'est plus long que la vie même de Charlemagne, que le règne de Charlemagne. Tout à fait, un peu plus long, mais ça cale avec la chronologie de l'histoire climatique, finalement. Et en deuxième partie de l'émission, nous recevons le responsable du potager du roi à l'École nationale supérieure de paysage à Versailles. Bonjour Antoine Jacobson. Bonjour. Et donc avec vous, nous allons faire un petit tour à Versailles dans ce potager magique qui fait rêver. Et en fin d'émission, ce sera le moment d'accueillir Anaïs Quien avec sous le bras son journal de l'histoire. Anaïs Quien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans votre journal ? Alors aujourd'hui, on parlera des relations entre l'Allemagne et la Pologne et d'un après-guerre qui ne finit pas. L'après-guerre qui ne finit pas avec un sujet douloureux, mais c'est vrai que cette question des réparations est essentielle. À tout à l'heure, Anaïs. Et pour le moment, nous partons à la rencontre d'un grand historien, c'est Georges Duby, qui nous raconte « Les paysans du Moyen-Âge », un texte lu par Elsa Dupuis. En dépit d'une énorme dépense de main-d'œuvre et de l'extension démesurée de l'aire des villages, il faut s'imaginer ces ruraux tenaillés par la faim. Leur seule préoccupation était sans doute de subsister, de tenir pendant le printemps et le début de l'été, au moment des travaux les plus durs. Lorsque le peu qui restait des réserves alimentaires après les réquisitions des chefs commençait à s'épuiser, s'ouvrait alors chaque année le temps des grandes privations et des nourritures de hasard, où l'on trompait sa faim en dévorant les herbes du jardin, les baies de la forêt, où les paysans quêtaient un peu de pain à la porte des riches. Toute l'économie de ce temps paraît bien dominée par la menace permanente de la disette. D'entendre Georges Duby, l'économie rurale et la vie dans les campagnes. C'est un texte écrit en 1962. Georges Duby s'intéressait à l'Occident médiéval. Merci Elsa Dupuis pour cette lecture. Et je me tourne vers vous, Jean-Pierre Devroy. Vous avez écrit La nature et le roi chez Albin Michel, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne. Est-ce que vous adhérez à cette vision qu'avait Duby du monde paysan, en tout cas dans les grandes lignes? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est 1964 et la manière dont finalement Georges Duby écrit dans le présent. Alors, le présent, c'est le présent du remembrement rural, de l'industrialisation, de l'agriculture, Et on sent très bien que son paradigme, c'est le passage de la nature dominante, hein, qui fait peur aux hommes, à la nature dominée. Et dans le grand livre de 64 de Duby, les défrichements jouent évidemment un rôle important. C'est le moment où le paysan bascule de victime à acteur, voire à prédateur de la nature. Et ça nous dit évidemment beaucoup de choses sur la manière dont l'historien écrit avec les préoccupations de son temps. Alors aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus nuancée, et je dirais que on fait beaucoup moins de différence dans le temps long entre la situation d'un paysan au 8e siècle et celle d'un paysan au 17e ou au 18e siècle. Oui, vous relevez vraiment, dans ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Devroy, l'essentiel de la réflexion qu'on peut avoir sur le rapport de l'homme et de la nature pendant des siècles, voire des millénaires. L'homme pouvait craindre la nature et les catastrophes naturelles qui détruisaient les récoltes. Et il est passé un moment où il a cru dominer complètement la nature. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un renouveau sur cette réflexion-là. Et sur la période que vous avez étudiée, c'est-à-dire le temps de Charlemagne, l'homme est-il vraiment tributaire de la nature? A-t-il vraiment peur de la nature? Alors peur, ça supposerait qu'on a accès à ce que pensent les paysans. Et malheureusement, bon, on peut savoir si les clercs, si exceptionnellement un grand laïc a peur de la nature. Savoir si le paysan en a peur, je pense qu'il n'a pas plus peur de la nature qu'aujourd'hui. Sans doute faut-il voir la figure du paysan comme quelqu'un qui est à l'intérieur de l'environnement, une composante, et en tant que composante, ben, il interagit avec les animaux, avec les plantes, avec l'environnement minéral, avec le climat et ainsi de suite. Donc ça marque évidemment très fort la différence par rapport à l'époque de Duby. Et c'est vrai que d'une certaine manière, l'époque qui nous intéresse, l'époque carolingienne, permet de renverser un peu le paradigme du naturalisme, comme disait de Scola, de cette idée que ben, Dieu a donné la nature à l'homme pour qu'il l'exploite. On n'est pas à ce stade-là. Finalement, le naturalisme est plus une vision des Lumières du XVIIIe siècle qu'une vision du Moyen-Âge où on prend la mesure du fait que la nature est redoutable. Oui, oui, mais redoutable ne veut pas dire qu'on a peur. Voilà, on craint les catastrophes naturelles. Comment ces catastrophes naturelles, un hiver rigoureux, une tempête, sont perçues? Systématiquement, elles sont reliées à la religion? Alors, non, parce que il faudrait aussi faire la part de la religion, et notamment du christianisme, au 8e et au 9e siècle, et c'est de nouveau se poser la question, ben, quelle est sa part dans la tête de ceux qui écrivent, les clercs essentiellement, et puis quelle est sa part dans la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que on a pu penser à un moment dans une vision... qui était la vision du 19e siècle, que tout problème climatique allait donner lieu, forcément, s'il était grave, à un enregistrement. Et l'enquête que j'ai menée, qui a essayé d'embrasser des sources, pas uniquement les sources de la Francia, mais aussi les sources irlandaises, anglaises, byzantines, syriaques, italiennes, espagnoles, cette enquête montre qu'en fait, il y a une forme de phénoménologie. On est amené à parler de quelque chose en fonction de son contexte et pas en fonction de cette chose elle-même. On va, par exemple, si on compare ce qui se passe en Irlande et ce qui se passe en Francia sur le temps long de 740 à 820, on va constater qu'il neige tout le temps en Irlande et il pleut tout le temps en Francia. Alors pourquoi? Parce que simplement la neige est exceptionnelle en Irlande. Si la neige dure longtemps, comme le pays est encore très axé sur l'élevage, qu'il n'y a pas d'élevage en stabulation, que les animaux ne rentrent pas dans l'étable l'hiver, il faut absolument que l'herbe soit accessible. Et donc un manteau d'herbe permanent est une catastrophe. Vous et êtes... on va dire, ah ben il neige, cette année, c'est une année à neige. À Aix-la-Chapelle, bah, il neige tous les ans. Ah oui, et donc on le remarque moins. C'est vrai que Jean-Pierre Devoix, vous parlez de Francia, et vous avez dans votre ouvrage La nature et le roi, un peu une expression très simple pour dire la Françoise, c'est l'Europe des six, un petit peu pour dire. Non, voilà, pour dire on est là, on nous trouvons à l'ouest de l'Europe. Et justement, sur cette perception des phénomènes climatiques, vous avez une autre expression, et j'aime beaucoup quand vous expliquez que, bon, le froid, c'est vrai qu'on en parle parce que tout le monde le ressent, le froid, la faim, c'est différent. La faim, c'est différent, parce que ceux qui n'ont pas faim en parlent moins. Les paysans, eux, ne laissent pas de traces. C'est difficile de savoir à quel moment les conséquences climatiques sur une récolte vont entraîner la famine. Ça apparaît souvent, ça n'apparaît pas, ou on oublie un petit peu parfois que les paysans peuvent avoir faim, famine ou disette. Alors les paysans, ils ont structurellement faim parce qu'ils payent leurs redevances à leurs maîtres, à ceux qui ont moins de risques de ne pas manger convenablement toute l'année, après les récoltes. Et donc, il y a déjà là l'essentiel du prélèvement est fait immédiatement après la récolte, à l'automne. Et Duby exprime ça très très bien quand il dit cette tension croissante de la période de la soudure, où on approche de la récolte suivante, mais on a probablement épuisé les réserves. Et d'une certaine manière, on ne peut pas toucher aux semences. Parce que si on touche aux semences, ben alors on entre dans le cercle vicieux. Et donc, on peut penser qu'au niveau local, on peut avoir faim, et 45 kilomètres plus loin, on n'a pas faim. On est dans un monde qui est un monde de petits sous-ensembles. C'est le monde de Jean-François Pinagot, où on peut passer sa vie pendant 50 ans sans traverser la forêt. Jean-François Pinagot, hein, du titre d'une étude qu'avait faite Alain Corbin sur ce paysan, ce sabotier, où il essayait de reconstituer l'ensemble de son univers mental, son vécu. Ce vécu, parfois, des paysans est heurté par des moments incroyables et intenses. C'est le cas, par exemple, de l'hiver 762-764. C'est un hiver terrible. Il est très bien documenté, Jean-Pierre Devoix, cet hiver-là. Alors, il est documenté par un nombre exceptionnel de sources, à la fois des sources franques, les chroniques. Hein, il ne faut pas oublier que la période de Carolingienne est une période qui est très riche en annales. On raconte chaque année ce qui se passe. Il est documenté par de la correspondance entre le pape et Pépin. Et le pape écrit qu'il n'a plus de nouvelles de la Francia pendant cet hiver depuis plusieurs mois, et puis il est documenté par des sources extraordinaires, qui sont les sources byzantines, où le petit Théophane, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça n'est pas vrai, à 3-4 ans, explique qu'il a été joué sur des icebergs qui avaient envahi la Corne d'Or. Cet hiver était si terrible que ça? Alors, on ne le saura évidemment jamais, et de nouveau, comme vous le dites, fort bien, celui qui vit en SDF sous les portiques de Constantinople ne vit pas l'hiver comme Théophane qui est destiné à la prêtrise et qui est issu de la bonne société de Constantinople. Donc il y a évidemment une différence qui est une différence existentielle dont nous devons tenir compte. Alors on pourrait dire que l'archéologie peut apporter des choses, mais le problème c'est que il n'y a pas d'archéologie de la famine. On peut très bien mourir de faim sans en avoir de traces, parce que c'est quelque chose, c'est une séquence qui se passe en quelques semaines. Et en général, en plus, on ne meurt pas de faim. On meurt parce qu'on est affaibli et qu'on a une maladie en particulier. Alors il reste évidemment, et ça nous ramène à aujourd'hui, les indices climatiques, la paléoclimatologie, les modèles. Est-ce que le climat peut faire s'effondrer une société, pour prendre un sujet qui est récurrent aujourd'hui? Et en 2007, peut-être le premier article d'histoire qui a vraiment exploité les sources paléoclimatiques, les fameux forages glaciaires qui permettent de mesurer la quantité de sulfate émis par les volcans avec une finesse de 3 ou 4 ans dans la datation. Donc l'Américain Michael McCormick, exploitant les premiers forages, ceux de Gibbs 2, dit il y a un pic de sulfate à ce moment-là. Donc on peut imaginer qu'on a ce qu'on appelle un hiver nucléaire. un voile qui cache le soleil. Qui comme... est dû à quoi? Alors, qui est dû simplement à l'expulsion de très grandes quantités de matière, de poussière volcanique dans l'atmosphère. C'est ce qui s'est passé pendant l'été sans soleil en 1816, après l'explosion du volcan Tambora. Quand même 2 ou 3 années de perturbations globales sur toute la surface du globe. Et bon... La difficulté, c'est qu'il y avait 2 forages au moment où on écrit en 2007. Aujourd'hui, il y en a 52 et ils ne disent pas cette histoire-là. Ils ne disent pas cette histoire-là. Et c'est une histoire que vous étudiez en tant qu'historien, Jean-Pierre Devroy, et que les gens ont vécu, ce qui est toujours un moment complexe à comprendre, ces éléments fins, la famine, comment le pouvoir va répondre à ses besoins des paysans. Et justement, en évoquant l'hiver 762 jusqu'à 764, en fait, il y a 2 hivers rigoureux, nous allons écouter la lecture de la lettre du roi Pépin à l'évêque de Mayence, l'évêque Lulle, une lettre de 764 qui, justement, réfléchit à ce qu'il faut faire et à quelle action appliquer après cet hiver rigoureux. Elsa Dupuy, vous êtes Pépin ce matin. Pépin, par la grâce de Dieu, roi des Francs, homme illustre, au Seigneur évêque, le Saint-Père Lulle. Nous savons que votre sainteté connaît la nature de la pieuse affection et de la miséricorde que Dieu a témoignée cette année sur cette méprisable terre. Il a dispensé un tourment en réponse à nos péchés, et après le tourment, une grande et merveilleuse consolation, l'abondance du fruit de la terre que nous connaissons maintenant. Pour cela, et pour d'autres affaires qui nous sont propres, il nous incombe de lui rendre grâce, parce qu'il a daigné consoler ses serviteurs de sa miséricorde. C'est pourquoi il nous semble bon que, en dehors d'un jeûne déclaré publiquement, chaque évêque fasse des litanies dans sa propre paroisse, non pas avec le jeûne, mais seulement dans la louange de Dieu qui nous a offert une telle abondance, et que chaque homme fasse ses aumônes et nourrisse les pauvres. Et qu'ainsi, tu fasses prévoir et ordonner par notre parole que chaque homme, qu'il veuille ou non, donne sa dîme. Porte-toi bien dans le Christ. Merci Elsa Dupuy, merci aussi au roi Pépin et merci à Lulle, évêque de Mayence, Jean-Pierre Devroy. On a le mot qui est tombé, le mot dîme. Il y a une relation évidente entre le rapport que les hommes peuvent entretenir avec la nature et puis le pouvoir qui vient ici et qui prend une partie des récoltes. Quel est le poids symbolique de cette dîme? C'est quoi la dîme en fait? C'est une partie des récoltes qui est donnée au pouvoir? Non, c'est plus complexe. Alors la dîme, c'est une obligation pour tout croyant dans les 3 religions du livre. Au départ, c'est quelque chose qui est volontaire. C'est le croyant qui paye la dîme, simplement parce qu'il va reconnaître la dette qu'il a vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui donne la fertilité de la nature, et donc, si je lui rends 10%, il me rendra au centuple. Ce qui se passe avec Pépin III et qui va être répété par Charlemagne en 779 et en 794, c'est-à-dire de nouveau dans des années de famine, c'est que la dîme d'offrande volontaire devient une offrande obligatoire. C'est un impôt. C'est un impôt, et celui qui ne paye pas la dîme n'est pas seulement un mauvais chrétien, mais c'est aussi un infidèle, un mauvais sujet du roi et de l'empereur. Et donc on a effectivement ce démarrage de quelque chose qui va s'éteindre en France, mais pendant la Révolution française, et qui est cette idée qu'on va mettre de côté 10% de la récolte, de toutes les récoltes, de tout le fruit de l'année, donc les animaux qui naissent dans l'année, 10% des pommes, 10% évidemment des céréales, et qu'on va les conserver dans le village jusqu'à la fin de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent une idée un peu fausse de la dîme. On imagine les prédateurs qui se jettent et qui... Non, la dîme est vraiment une réserve. Elle a une affectation, et dès Charlemagne, on voit cette affectation. C'est un tiers pour les pauvres, un tiers pour le desservant, donc pour le curé, et un tiers pour l'entretien de l'Église. Mais en tout cas, et ça c'est très très frappant du point de vue de je dirais même de la de la prévoyance économique, la dîme va rester dans le village, dans le grenier à dîme, jusqu'à la récolte suivante. Et donc il y a là quelque chose qui permet d'intervenir justement en cas de fluctuation des rendements, et c'est évidemment le cas très fréquemment. L'intervention du pouvoir est intéressante. Jean-Pierre Devroy, La nature et le roi, c'est le titre de votre livre chez Albin Michel. La nature et le roi, mais vous avouez dans votre introduction que vous aviez pensé appeler ça géopolitique médiévale de la faim. Qu'est-ce qu'il y a de géopolitique dans cette histoire de la faim? Alors la géopolitique, c'est un clin d'œil au grand livre de Josué de Castro, qui en 1946, en ayant découvert ce que la faim pouvait faire aux hommes dans les camps de concentration, le Brésilien de Castro va écrire sa géopolitique de la faim, qui va lancer en fait, qui va faire finalement de la famine le grand ennemi des décennies 60-70. Il faut se souvenir du Biafra et de choses comme ça. Et la disparition de la faim, de la même manière que la vaccination doit faire disparaître la maladie, c'est le grand objectif des Nations Unies. Donc voilà, alors géopolitique, oui, parce que la question qu'on va se poser, c'est d'abord, est-ce que la dîme c'est efficace? Est-ce que les gens y croient? Est-ce que les gens pensent que parce qu'ils vont donner un dixième à Dieu, ils recevront au centuple? À la fin du 8e siècle, non. La preuve, c'est que Charlemagne réimpose quand ça ne va pas. Mais plus loin, on peut voir que la dîme ne s'est finalement installée dans le paysage qu'avec la christianisation complète des campagnes, c'est-à-dire 11e, 12e siècle. C'est quelque chose d'extrêmement lent. Et ça nous donne évidemment une idée sur le fait que le message biblique, que nous aurions tendance d'une façon un peu anachronique, depuis Constantin, tout le monde est chrétien. Mais non, ça n'est pas efficace et le paysan n'est pas prêt peut-être. Alors il est prêt à croire que c'est bien de garder une partie des récoltes pour les partager. Ça peut être pratique pour la suite, oui. Voilà, mais est-ce qu'il est prêt à croire que Dieu va donner la fertilité pour toujours? Non, parce qu'il le constate, les mauvaises récoltes reviennent. Et donc on est alors là dans quelque chose qui est peut-être pas géopolitique, mais cosmique. Oui. Qu'est-ce qui est la mécanique qui fait que la nature, à un moment donné, ne donne pas ce qu'elle devrait donner? Et ça, c'est une question qui interpelle le pouvoir. En l'an 800, Charlemagne devient empereur, le chant du couronnement. En l'an 800, Charlemagne est empereur de 800-814. Et quand vous étudiez cette période, Jean-Pierre Devroy, vous constatez qu'il se passe quelque chose d'intéressant autour de la notion de réforme carolingienne. En fait, la réforme carolingienne qui, on va dire, fait suite à l'Empire romain qu'on imagine toujours bien structuré, à un autre Moyen-Âge qu'on imagine beaucoup plus complexe. Cette réforme carolingienne, en fait, vous l'axez sur des questions liées à l'environnement, pour simplifier la chose. Alors, on ne va pas dire que Charlemagne est le premier à avoir une conscience environnementale. Je pense que ce serait complètement anachronique. Et pourtant, la nature est au cœur des préoccupations politiques déjà. Tout à fait. Je pense que c'est le cœur du problème, c'est cette idée de roi cosmique. Alors, c'est pas quelque chose qui est propre au christianisme. On pense au retour d'Ulysse à Ithaque, dans le chant 19 de l'Odyssée, où le retour du roi va amener la fertilité de la nature. C'est l'idée qu'il existe une forme d'isomorphisme entre la manière dont le roi se comporte et la manière dont la nature se comporte. Voilà, donc on doit pouvoir comparer comment le roi se comporte et comment la nature agit. Et alors, le comportement, c'est n'importe quel comportement. En 779, quand on a une autre famine, on constate que les gens, de nouveau, ceux qui écrivent, sont inquiets parce que 778, c'est Roncevaux. Oui. C'est le désastre de Roncevaux, dont on ne parlera qu'après la mort de Charlemagne, comme d'un désastre. À l'époque, c'est présenté comme une victoire. 778, c'est la rébellion de la Saxe. Les Saxons détruisent la ville que Charlemagne avait construite. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de pourri alors, au royaume de Danemark. Et c'est cette sensibilité-là, probablement, qui fait qu'on va noter la famine, mais aussi que le fait que le roi ne soit plus droit, qu'il apparaisse comme injuste, va amener une inquiétude, qui est une inquiétude qui, au lieu d'être individuelle, dans la Bible, les fautes des rois sont individuelles. Quand David est accusé d'être un mauvais roi, on lui dit « Choisis ce que tu veux pour ton peuple, les invasions, la peste, la famine. » Avec la cosmologie qui est en jeu, et qui n'est pas une cosmologie chrétienne, qui est une cosmologie d'origine plutôt celtique, dans ce cas, c'est de dire « Si le roi se comporte mal, même de façon accidentelle, sans le vouloir, tout le monde va se dérégler. » Dites-moi, Jean-Pierre Devoix, amusons-nous à tirer des liens entre l'époque carolingienne et aujourd'hui. C'est vrai que vous dites que l'attention portée aux catastrophes naturelles sous Charlemagne peut s'expliquer par un dérèglement du pouvoir. On considère que le pouvoir se comporte mal, donc il y a un lien avec la nature qui est déréglée. Aujourd'hui, nous avons une forte attention sur la nature déréglée. Vous pensez qu'un homme du Moyen-Âge, un contemporain de Charlemagne, pourrait se dire « Mais dites donc, notre pouvoir est un peu déréglé aussi. Il a perdu le sens de ce qu'est la nature. » Alors, ce qui est passionnant, je pense, c'est, et probablement auquel nous sommes attentifs aujourd'hui, et ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est une narration collective qui permette de donner du sens à la nature. Et aujourd'hui, eh bien, on voit bien que l'opinion publique est profondément divisée entre Trump et le président Macron. On a des visions différentes de ce qui est bon pour la Terre. Avec cette droiture du roi, d'une certaine manière, à partir du moment où il y a ce lien entre le bon roi et le bon cosmos, ben le roi est obligé d'agir dans ce sens-là. Et quand on parle des fameuses réformes économiques de 794, pendant une famine, celle-là, profonde, on parle de cannibalisme, elle dure plusieurs années. Quand on fait le prix maximum des grains, quand on fait le stockage de réserves dans les greniers publics, quand on vend les céréales publiques à la moitié du prix, ça n'est pas de la politique économique au sens contemporain, mais c'est probablement, alors avec la prudence de l'historien, nous sommes historiens, donc on sait qu'il faut toujours être prudent, une histoire qui fonctionne. Et si j'ai voulu le travailler dans le temps long, et on glisse comme ça tout d'un coup vers Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est que l'Ancien Régime continue à fonctionner de cette manière-là, le roi père du peuple, le roi nourricier, le bon boulanger de Stephen Kaplan. Ça m'a très fort frappé de voir une représentation du retour de la famille royale. Les femmes ont été jusqu'à Versailles, parce qu'il y a une cherté et que le pain est de mauvaise qualité et le pain est rare. Dans le cortège qui ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron, les femmes portent des espèces de rameaux. Et donc, c'est à la fois le bon boulanger qui revient, mais c'est aussi le roi cosmique. Et c'est Louis XVI et il a presque perdu la tête. Il a déjà presque perdu la tête. Jean-Pierre Devoix, nous allons effectivement continuer notre discussion en allant sur le temps long depuis Charlemagne jusqu'au roi absolu, en recevant Antoine Jacobson, hein, qui est responsable du potager du roi à Versailles. Mais en attendant, c'est Émilie Simon qui nous parle des fleurs de saison dans l'album Végétal. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sombre. Émilie Simon, Fleur de saison, dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Père et Le Gras avec aujourd'hui à la technique Olivier Arneille. Pour poursuivre notre réflexion autour des relations étroites qu'entretiennent l'homme et la nature, et là sur le temps long, nous faisons un petit saut dans le temps. Après Charlemagne, nous allons faire un tour au potager du roi. Nous allons à Versailles avec Antoine Jacobson. Vous avez participé, Antoine Jacobson, à l'inventaire du patrimoine culinaire de la France. Je trouve ça merveilleux. Et vous êtes l'auteur du potager du roi, Dialogue avec la Quintini. L'idée est géniale, un dialogue avec la Quintini. Il faut rappeler qui est la Quintini. C'est donc le créateur, à la demande de Louis XIV, du potager du roi, ainsi que toute une série d'autres jardins nourriciers. Des jardins nourriciers, parce que c'est la volonté première hein, d'avoir des légumes, des fruits. On est vraiment sur le potager du roi, donc Louis XIV, avec quand même une innovation par la Quintini, c'est la volonté de maîtriser la nature. Et je donne qu'un exemple, c'est produire des légumes hors saison, on va dire. Il y arrivait ? Alors, il y arrivait, il n'était pas le premier à y arriver. J'ai toujours une sorte d'hésitation, un mal, une difficulté avec cette idée de maîtriser. Je pense que c'est plutôt un discours du XXe siècle et que au XVIIe encore, XVIe, XVIIe, mais surtout XVIIe, c'est moins la maîtrise et c'est plus la compréhension. Alors je sais que on pourrait avoir des longues discussions avec toute une série d'historiens sur ce sujet, mais l'évolution fondamentale me semble plutôt être essayer de comprendre comment ça fonctionne. Avant même de le maîtriser, quelque part, ils font avec quelque chose plus que de leur imposer. Alors, la Quintini, dans le sens de sa recherche ou de ses recherches, c'est à la fois un jardinier, mais c'est aussi un scientifique. C'est aussi quelqu'un qui, avant même de rentrer dans le service du roi de Louis XIV, est en correspondance avec la Société Royale de Londres, donc le groupement de scientifiques prééminents du XVIIe siècle. C'est déjà, c'est quelqu'un qui, dont un des anecdotes les plus connues, c'est d'avoir planté toute une série d'arbres et de les arracher une fois par semaine, une fois par mois, pour essayer de cartographier, on va dire, la croissance des racines. C'est pas seulement cet effort de donner à Louis XIV, comme il écrit lui-même, des plaisirs qu'il n'avait pas connus auparavant, qui dans ce cas-là s'appliquent donc à des asperges au mois de décembre et janvier. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur la compréhension qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle, de la nature plutôt que de la maîtrise, qui arriverait selon vous un peu plus tard, cette volonté de maîtriser la nature, Antoine Jacobson ? Alors disons que je suis très influencé par ma fonction et ce que j'essaye d'y faire, évidemment par notre contexte d'aujourd'hui, mais quand je regarde comment a évolué le potager du roi, mais qui n'est que un microcosme d'un macrocosme, je vois bien quand on est passé d'un jardin au XVIIe, XVIIIe siècle où les légumes et les fruits étaient mélangés, les herbacées et les ligneux, les cultures étaient aux mêmes endroits, à une situation au XIXe, fin XIXe et au XXe siècle où on les sépare strictement. Pourquoi est-ce qu'on les sépare ? On pourrait penser immédiatement que c'est la recherche de la production, on peut produire plus en faisant de la monoculture, mais finalement la première chose qu'on fait en faisant de la monoculture, c'est mieux connaître. C'est-à-dire que si vous voulez mieux comprendre la culture des pêchers, vous les isolez des pruniers, des abricotiers et des cerisiers. Quand on regarde le jardin au XVIIe, XVIIIe siècle, on voit que les fruits à noyaux sont tous mélangés. Il y a un jardin qui s'appelle une prunelée, où il n'y a que des prunes, mais la Quintini suggère de les cultiver ensemble. Donc, c'est cette progression vers la monoculture qui... Est-ce économique ou est-ce une connaissance ? Moi, je cherche, j'ai une intuition que j'essaie de suivre. On est plus à la recherche de comprendre que simplement produire. Antoine Jacobson, cet intérêt scientifique est loin d'une image qu'on peut avoir des jardins de Versailles et du potager du roi, avec une certaine forme de légèreté très 17e, 18e siècle. Dans le jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Dans le jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de la blonde, il fait bon, il fait bon, il fait bon. Auprès de la blonde, il fait bon dormir. tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid, la caille, la tourterelle et la jolie perdrix, et la jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de la blonde, il fait bon, très bon, très bon. Auprès de la blonde, il fait bon dormir. La blonde, en l'occurrence, c'est Colette Renard, avec quelques camarades à elle. Antoine Jacobson, la cantina a une vraie démarche scientifique, et puis c'est vrai qu'il y a à côté de ça la construction d'une image plus idéalisée. Alors là, on voit la légèreté des plaisirs versaillais, mais il y a l'image imposée du roi nourricier. Louis XIV se veut comme le roi nourricier, et son potager à Versailles est un peu l'image idéalisée du potager de son pays, la France. Absolument, genre vous avez parlé d'un cosmogonie avant, on est clairement dans cette situation d'une coïncidence de la grande chaîne de l'être, de cette coïncidence entre les actions du roi et l'effet sur le pays. L'exemple que j'ai tendance à prendre, pour prendre un vocabulaire contemporain, pour reparler du double corps du roi, hein, c'est cette question de la personnalité morale et la personnalité physique. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à penser le roi ou Louis XIV, les rois, comme des personnes physiques. Il faut jamais oublier que c'est des personnes morales. Ce que fait le roi, c'est ce que fait la France, et c'est clair que le potager du roi est on revient sur microcosme et macrocosme, c'est un microcosme de ce qu'on voudrait faire pour tout le pays. J'ajoute deux choses. D'un côté, côté connaissance, la Quintini termine son ouvrage qui s'appelle Instructions pour le jardin fruitier et potager par des réflexions sur l'agriculture, et donc bien cette extension au-delà du domaine simplement dit de se nourrir, mais vers se nourrir mieux, plus largement, dans un système de compréhension. Et la deuxième chose, et ils sont liés, c'est toujours dans ce double rôle à la fois de personne physique et de personne morale. Il faut quand même se dire qu'il n'y a pas de château sans jardin nourricier, il n'y a pas de chaumière sans jardin nourricier. Il y a cette coïncidence entre le circuit local, le circuit plus long. C'est des choses qui sont plus dans un continuum et qui représentent à la fois la production locale et la mise en œuvre, la mise en valeur de la totalité du territoire. Des questions qui nous interpellent aujourd'hui. Jean-Pierre Devroy, justement, dans votre ouvrage « La nature et le roi », oui, vous vous êtes intéressé au temps de Charlemagne, mais quand on lit votre livre, c'est sur un temps beaucoup plus long, puisque l'on croise Louis XIV, également on croise les rois de France. Quelle place a, pour ce que nous sommes aujourd'hui, cette proposition d'Ancien Régime, du rapport du souverain à la nature, cet intérêt que le souverain devait avoir pour son environnement, pour utiliser un mot un peu plus contemporain? C'est une question extrêmement difficile, surtout pour un historien. Je l'ai dit tantôt, je pense que ce qu'il faut retenir de cela, c'est... qui a probablement un peu disparu avec le côté cassant ou trop anguleux de la science politique, c'est qu'on a besoin de récits communs. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans les lettres au dauphin, Louis XIV fait entendre sa voix et lui dit « Il faut que tu te préoccupes que les gens n'aient pas faim. Ça fait partie de ton métier. » Et donc, ça veut dire aussi, et c'est l'épisode de on va à Versailles pour ramener le roi, pas parce qu'on pense que le roi va prendre des mesures politiques, mais parce que si Louis XVI est dans Paris, le pain sera bon et les pains seront bon marché. Et ça, évidemment, est quelque chose qui, d'une certaine manière, disparaît avec l'égalité. L'égalité révolutionnaire fait, elle est quand même profondément individualiste, elle fait que chacun est responsable de lui-même. Liberté, égalité, fraternité ne vient qu'en 1848. Et donc là, je pense qu'il y a effectivement un grand balancement, et aujourd'hui, quand on voit les écologistes parler d'économie solidaire, de coopérative, quand on voit ce qui vient du bas, on peut penser qu'on va vers une nouvelle grande narration à laquelle les historiens peuvent non pas dire ça s'est passé avant, il faut refaire, mais apporter peut-être plus de compréhension. Antoine Jacobson, ce récit qui est proposé au XVIIe siècle, ce récit de rapport entre l'homme et la nature qui disparaît un petit peu au XIXe siècle et au XXe siècle, on le retrouve aujourd'hui, vous avez évoqué ça, il n'y a pas simplement produire pour nourrir, il y a aussi bien se nourrir, bien manger. Oui, il y a clairement, on va dire, manger est un enjeu de santé publique, que ça soit au XVIIe ou aujourd'hui. Et donc cette coïncidence entre correctement cultiver et correctement manger est primordiale. Il y a un moment dans les instructions pour le jardin fruitier et potager, la Quintini compare la disposition du jardin à le dressage d'une table. Et donc il y a directement cette relation. Mais je voulais revenir sur un des mots que vous avez utilisé, c'est donc le potager, et pas seulement le potager Versailles, comme un espace idéalisé. C'est pas pour rien que les républiques successives, que ce soit déjà sous la Révolution française et par la suite, installent des écoles dans le sens successif, dans ce site du potager du roi. Il y a quelque chose de l'ordre de, déjà du titre du livre de la Quintini au XVIIe, Instruction, mais il y a aussi quelque chose sur comment est-ce que on fait quelque chose de local qui devient un exemple ou un modèle qui peut être exporté, une série d'essais et d'expériences qui sont transmises, et ça boucle peut-être avec ce Nature et le Roi de Monsieur Devroy, avec l'importance de l'école. L'importance dans le pouvoir royal, chez le roi et ensuite à l'État, de comment est-ce que on raconte, ce qui veut dire comment est-ce qu'on transmet et on donne le patrimoine qu'on rêve à nos successeurs. Antoine Jacobson, vous insistez beaucoup sur la valeur pédagogique de ce potager du roi à Versailles et également sur les exemples que l'on trouve partout dans le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une réflexion qui couvre quelques arts, quelques hectares, mais vous êtes sur une réflexion beaucoup plus large et beaucoup plus globale, ne serait-ce que par la transmission aux élèves, à ceux qui travaillent avec vous, et puis aux expériences que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Je pense que les enjeux du potager du roi à Versailles dépassent seulement la question du potager du roi. On a aujourd'hui je viens de l'évoquer, mais c'est comment est-ce qu'on transmet notre patrimoine dans la situation du changement climatique d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous cultiverons ce jardin, mais comment est-ce que nous cultiverons nos campagnes? Comment est-ce que nous cultiverons ce monde dans 100 ans? Il faut quand même y penser aujourd'hui. Quand nous plantons un arbre aujourd'hui au potager du roi, un poirier, on le plante pour 100 ans, 120 ans. La variété, la forme, la structure qu'on met autour, quelle est sa durabilité? Ce sont des questions intéressantes, celle de la transmission et celle du récit. Merci à vous deux, Jean-Pierre Devroy, Antoine Jacobson, pour cette réflexion autour de l'environnement qui nous a conduit de Charlemagne à Louis XIV et tout simplement à aujourd'hui. Mais à 9h50, il est l'heure du journal de l'histoire avec Anaïs Kien. Anaïs, vous voici. Nous parler de la Pologne, du bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc un bilan qui est toujours en cours, c'est bien ça? Exactement. Au moment des commémorations du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était la semaine dernière. Et donc pour marquer cette date, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a été aux cérémonies qui étaient organisées en Pologne. Il a présenté ses excuses aux victimes polonaises de l'agression allemande. Des excuses solennelles au nom de son gouvernement. Rappelons que la Pologne a perdu 6 millions de citoyens, dont 3 millions de juifs au cours de cette guerre. Andrzej Duda, président de la Pologne, a souligné l'importance de ses excuses pour l'amitié germano-polonaise. Cette concorde diplomatique n'aura duré que le temps d'un claquement de doigts, puisque le gouvernement polonais a immédiatement rebondi sur un dossier qui grève les relations entre les deux pays depuis quelque temps, Les réparations de guerre dues à la Pologne, parce que juste après la défaite allemande, des réparations avaient été calculées, elles avaient été versées aux victimes du Troisième Reich, à commencer par les victimes de la Shoah. Mais en ce qui concerne la Pologne, c'est l'Union soviétique qui avait administré ce dossier. Et ce qui importe à ce moment-là, c'est l'établissement de bons rapports entre les républiques sœurs de l'Union socialiste. Moscou avait alors orchestré des négociations entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Pour mettre en bon ordre de marche le régime communiste, il faut dépasser le bilan de la Grande Guerre patriotique, à commencer par la stabilisation de la frontière germano-polonaise. Au cours des négociations, sous le regard dirigiste de Moscou et à Moscou, les Polonais renoncent officiellement à ces réparations de guerre, en contrepartie de la reconnaissance par la RDA du tracé de la ligne Oder-Neisse, la frontière actuelle, qui leur est favorable. Cette ligne de séparation sera d'ailleurs baptisée « frontière de la paix ». Le dossier est donc classé en 1953, mais mal réglé. La chute de l'Union soviétique et de son ordre géopolitique imposé va voir ressurgir des zones d'ombre de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mise au placard entre-temps. Oui, il ne faut jamais laisser les choses au placard sans qu'elles soient bien réglées. Et l'arrivée au pouvoir en Pologne des conservateurs attise les braises de cette après-guerre qui a été réglée à la va-vite. Le gouvernement polonais ne s'est pas contenté de déclarations publiques lors de ses commémorations la semaine dernière. Une commission parlementaire a été nommée il y a 2 ans pour plancher sur le sujet des réparations et sur une nouvelle facture à présenter à l'Allemagne. En fondant leur estimation sur un rapport soviétique de 1947, ces parlementaires, tous membres de la majorité gouvernementale, estiment à un peu moins de 800 milliards d'euros les dommages subis par la Pologne du fait de la guerre et de l'occupation allemande. Une somme astronomique donc. Selon les spécialistes comme l'historien Robert Traba, cité dans un article du Monde que je mettrai sur la page du journal de l'Histoire, les pertes de la Pologne n'ont pas été compensées de manière adéquate, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est surtout la question du deuil qui est au centre de cette affaire. Si l'on fêtait les 80 ans du début des combats dimanche dernier, le bilan et la mémoire polonaise de cette guerre et de ses atrocités n'a repris qu'il y a 30 ans, après la disparition de l'Union soviétique et de la tutelle de Moscou. La domination soviétique a retardé ce deuil psychologique de l'occupation allemande. Et d'ailleurs, ces demandes de réparation s'inscrivent au programme d'une véritable politique historique du gouvernement polonais. Effectivement, le gouvernement met en place un ensemble législatif pour condamner les historiens ou historiennes, les recherches historiques, dont les travaux vont à l'encontre du patriotisme en vigueur. Jan Gross, attaqué pour ses recherches, on s'en souvient, sur l'antisémitisme polonais, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les clivages intellectuels et historiens font rage dans le pays. En attendant, en Pologne, et plus particulièrement à Gdansk, le gouvernement et la municipalité s'affrontent sur la mise en musée de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un affrontement au long cours qui produit un véritable millefeuille historique et mémoriel, puisqu'un premier musée de la Seconde Guerre mondiale conçu par la municipalité sera bientôt corrigé par une annexe pour exposer des thèses plus proches de celles défendues par le gouvernement. C'est une affaire à suivre, Anaïs Kien. On retrouve plus d'informations sur la page du Journal de l'Histoire. La page du Journal de l'Histoire, et vous pouvez aussi podcaster le Journal de l'Histoire. Il faut aller chercher tout ça sur franceculture.fr. Dans ses réflexions sur les rapports que les êtres humains entretiennent avec leur environnement, on a longtemps dit effectivement que les hommes étaient tributaires de la nature pour vivre, et puis il y a l'action du pouvoir. Jean-Pierre Devroy, vous lisez comment notre monde d'aujourd'hui et cette nouvelle appréhension de la nature qui, j'ai envie de dire, peut faire peur avec des catastrophes à répétition qui est au cœur des discussions aujourd'hui? Je la lis avec un peu d'inquiétude parce que ce que j'entends sur les effondrements, donc l'importation de théories de physique dans la science sociale, me fait craindre que on ne surestime à ce point la crise écologique qu'on en laisse tomber les bras. Et ça, je crois que c'est vraiment le combat actuel, et c'est ce que au potager du roi ou dans le laboratoire de l'historien, on peut contribuer à apporter comme matériau de réflexion. Antoine Jacobson, justement, en écho à ce que vient de dire Jean-Pierre Devroy, votre travail au potager du roi est un élément qui peut contribuer à la réflexion sur les questionnements de nos contemporains aujourd'hui. Le potager du roi où je travaille est géré par l'École nationale supérieure de paysage, et je pense que le paysage, le paysagiste, la prise en compte de comment nous modifions nos espaces est fondamentale pour prévoir et ne pas se laisser aller au pessimisme. Oui, le pessimisme, il est là, il est clairement là. Ce pessimisme, on peut y échapper en regardant un petit peu par le passé. Jean-Pierre Devroy, vous pensez qu'il y a des leçons à tirer de cette expérience carolingienne? C'est un peu ce que vous notez un peu dans votre ouvrage, que ce monde-là a été confronté à des questionnements qui nous interpellent encore aujourd'hui. Je pense que si on descend à l'humble niveau du paysan, on a une musique de coopération à l'intérieur de l'environnement qui me semble très belle. Et c'est à ce niveau-là que les baies de la forêt tombent bien, mais il faut les prendre comme une nature qui offre plutôt que comme une nature qui serait une mégère et qui serait une mauvaise mère. Disons-le, il y a de l'optimisme à tirer de vos expériences à l'un et à l'autre, l'un comme historien dans les textes et dans l'archéologie, Jean-Pierre Devroy, et vous, Antoine Jacobson, au Potager du Roi, il y a de l'expérience, il y a de l'espérance. Merci beaucoup à vous deux. Le cours de l'histoire s'est terminé pour aujourd'hui. Une émission préparée avec Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès et Camille André. Merci beaucoup. Le cours de l'histoire peut être écouté en podcast ou sur le site internet France Culture. Demain, nous parlerons de l'acte d'appropriation de la nature. Est-ce une caractéristique des sociétés occidentales? Est-ce que le capitalisme et l'environnement font bon ménage? Ouh là là, lourde question.